Chapitre 11e. 3 ans se sont écoulés, 3 ans pendant lesquels j'ai souffert toutes les tortures. Je ne suis pas un sage. Je suis un être vivant et vibrant en qui la passion prend des intensités effrayantes. J'étais revenu à moi 3 jours après que l'être mystérieux avait prononcé ses dernières paroles qui étaient un ordre. Ah, il était plus fort que moi, initié à toutes les actions psychiques, et il avait eu raison de mes résistances plus facilement que si j'eusse été un enfant. J'avais dormi 3 jours du sommeil lourd et sans rêve, et quand je m'étais éveillé, j'avais couru, comme un fou, à l'appartement de Sita. Parti, ils étaient partis, une lettre m'attendait, contenant un adieu, et quel adieu! Consolation banale, hypocrite, conseil et adjuration burlesque. Moi, devenir bon, me dévouer à l'humanité, alors que je n'avais qu'un désir, c'était de me sentir assez fort pour prendre le monde dans ma main et l'écraser en serrant les doigts. Ces rêves me touchaient bien, comme je me souciais du bonheur des peuples. En vérité, je riais de tout cela et j'en ris encore. Aujourd'hui, que possédant la puissance, je vais la concentrer tout entière dans l'effort suprême, pour la haine, pour le mal. Eh bien oui, il avait raison, le Mahatma. Si tous les secrets nous étaient révélés, nous nous en servirions méchamment contre ce monde méchant. Et comme après tout mes haines ont un but déterminé, et que je ne sentirai aucune joie à faire le malheur de ceux que je dédaigne, je brûlerai cette confession, le mémento de mes travaux et de mes souffrances. Le lendemain, j'étais sur les rives de la Méditerranée. Aucun navire n'était parti pour les Indes. Je parcourus Marseille comme un insensé. Je ne découvris ni Sita, ni son frère. Je suppose alors qu'ils étaient partis pour l'Angleterre. À quoi bon chercher sur le continent, d'ailleurs? En tout cas, n'avait-il pas une forte avance sur moi? Sans raisonner, je m'inscribis sur le premier paquebot en partance. Et je passai 6 mois dans les Indes, fouillant les vallées, garbissant les pics, à la piste de ces adeptes maudits qui m'avaient volé mon âme. Quand j'interrogeais, les Anglais me répondaient incrédules en ricanant. Les indigènes, graves, feignaient de ne pas comprendre ou bien semblaient attendre quelques mots de passe que je ne connaissais pas. Existaient-ils seulement, ces imposteurs détestés? Sita avait-elle été victime de quelque immense fourberie, dont son frère peut-être avait été le complice? Ma colère s'accroissait de mes insuccès. Alors, je résolus d'employer cette colère même, inextinguible et passionnée, à la solution du problème irritant que je me posais. Je raisonnais froidement, car en dehors de mon amour, puis-je dire mon amour, je me sentais parfaitement maître de moi. Je savais, l'hindou l'avait constaté lui-même, que j'étais déjà en possession d'une force exceptionnelle. Je pouvais tenter des efforts interdits à tout être humain. Je n'étais pas un médium, j'étais plus, puisque je pouvais développer peu à peu ma puissance psychique et en conserver la direction. N'avais-je pas vu aux Indes ces fakirs qui, sous le rayonnement de leur force astrale concentrée, font germer en quelques heures une graine confiée à la terre? Ces yogis qui parviennent à suspendre en eux le cours de la vie et se font enterrer pendant 2 mois, ressortent ensuite de leur tombe vivants et forts. En cela, rien de surnaturel. Le raisonnement me le prouvait, en s'appuyant sur ma propre expérience. N'étais-je pas mort, plusieurs fois même, alors que dans une projection soudaine et excessive de ma volonté, j'étais tombé en léthargie? Bref, je partais de ce principe que par un entraînement raisonné, je pourrais m'abstraire des règles de la vie normale. Et alors, puissance contre puissance, j'engagerais résolument la lutte contre l'infâme qui m'avait arraché Sita. Je revins en France, et là, dans la solitude la plus absolue, je repris le cours de mes études, sans hâte, sans rien laisser au hasard, avec une méthode inflexible. J'avais tracé d'avance un plan dont j'étais décidé à ne point me départir. Puisque je n'avais pu, en mon corps matériel, retrouver la trace de Sita, il me fallait parvenir à me créer une existence nouvelle, encore impondérable, astrale, comme ils disent. Ainsi, je me jouerais des distances, ainsi je pénétrerais dans les retraites les plus cachées, ainsi je pourrais me glisser jusqu'à elle, et alors me venger, oh oui, me venger, car c'était cela, et cela seul que je voulais, que je veux encore. Trompant la vigilance de ses gardiens, j'irai dans le sanctuaire où elle se cache, et là, je ne dirai qu'un mot, c'est moi, et je frapperai. J'avais apprécié par moi-même l'effrayante difficulté que présentait la projection, hors du moi matériel, du fluide vital. c'était au début une épouvantable souffrance, comme un coup de stylet en plein cœur. Je me mis à l'œuvre, m'efforçant, dans une immobilité absolue, en exerçant sur tout mon être une pression de volonté par quantité infinitésimale, d'annihiler cette douleur, dont le pire résultat avait été jusque-là de me retirer la libre disposition de la force que j'émettais. La douleur est une distraction, et il fallait peu à peu écarter de moi toute sensation qui, en accaparant mon attention, en me suggérant une seule pensée, usait en si petite quantité que ce fût mon énergie mentale. Aussi je m'aperçus que les besoins de l'organisme étaient une suggestion mauvaise. Les anachorètes seuls ont pu arriver à l'extase, et peu à peu je supprimais en moi la faim, la soif. Je me composais des aliments strictement mesurés pour faire équilibre à la déperdition quotidienne et physique, en même temps que par l'abstention de tout mouvement inutile, de tout effort qui ne tendit pas directement à mon but, je diminuais la dépense organique jusqu'à la rendre presque nulle. Je renonçais à tout, à la curiosité, à l'intérêt, au désir. Je pus promener dans Paris mon corps comme une machine inerte, sans qu'aucune impression extérieure troublât son jeu purement mécanique. Mes yeux ne voyaient plus, mes oreilles n'entendaient plus, sinon dans la proportion juste où il était nécessaire pour éviter tout accident. Puis j'estimai que ces déambulations mêmes, utiles d'abord pour entretenir en moi la circulation, n'étaient plus indispensables. Je les fis plus courtes, j'en rétrécis peu à peu le cercle, jusqu'à ce qu'enfin je ne sortisse plus de mon appartement. Par contre, mon moi spirituel acquérait une lucidité, une acuité toujours plus grande. Je sentais que je me dégageais mentalement des entraves de la matière et que ma force psychique s'affinait de plus en plus. Ce fut alors que je commençais sérieusement l'œuvre décisive. J'étais parvenu, sans trop de peine, à réaliser de nouveau l'effet qui déjà une fois s'était produit, sans l'aide de ma volonté, la matérialisation vague, hors de moi, de mon fluide vital. Mais justement, lorsque je voulais renforcer ce vague, lui donner une existence plus concrète, il arrivait ou bien que l'effort cérébral de raisonnement auquel je me livrais amena au contraire une évaporation de la forme obtenue, ou bien que je fusse pris d'un engourdissement pendant lequel l'œuvre s'opérait sans que j'en eusse conscience. Je constatais ce dernier point au moyen d'un appareil photographique que je disposais ainsi. J'opérais dans l'obscurité pour n'avoir pas même la distraction de la lumière. Étendu sur un canapé, je provoquais la sortie du fluide vital. Alors, par un mouvement d'horlogerie, l'appareil photographique se mettait en marche, déroulait régulièrement une feuille de papier sensibilisée. Un autre mécanisme allumait de 10 en 10 secondes un fil de magnésium. Lorsque la syncope survenait, l'appareil agissait toujours, pendant un temps déterminé, après lequel un déclic faisait partir une sonnerie qui me rappelait à la réalité. J'ai les épreuves, là, sous mes yeux. Je les joindrai à ce manuscrit, où elles seront brûlées avec lui, où je les retrouverai, si je reviens. Sur ces épreuves, qui ne montent pas, je puis suivre la marche de l'opération. C'est d'abord, à la place du cœur, un jet de vapeur grisâtre, si ténu qu'il est presque invisible, puis un léger serpentin qui monte d'abord, tourne ensuite sur lui-même, s'enlace, s'alourdit, et peu à peu retombe en une ligne qui semble un brin de laine blanche. Puis, la source vitale, coulant toujours, le fil grossit, s'épanouit en quelque sorte, s'élargit en se diluant d'abord comme pour remplir un moule, et bientôt s'épaissit de plus en plus, très relativement, sans temps et sans arriver à l'opacité, et bientôt cette vapeur prend une forme, la mienne. C'est à ce moment que pendant 6 mois je me fis éveiller par la sonnette. J'avais employé ce long délai à retarder de plus en plus l'instinct de la syncope, ce que je n'avais pu obtenir que par fraction de temps infinitésimal. Mais au bout de cette période, j'étais parvenu à rester éveillé, jusqu'à la parfaite production de ma forme extérieure. De plus, je n'avais plus à craindre d'éparpillement de ma volonté, elle se concentrait bien tout entière dans la matérialisation obtenue. Ce fut alors que je me préoccupais de perfectionner cette forme, et lui ayant donné l'existence, de lui donner la force. Il fallait d'abord qu'elle pût se mouvoir, alors que matériellement je restais immobile. Il fut long pour moi de constater que les mouvements créés dans mon cerveau se représentaient sur mon double et s'exécutaient avec d'autant plus de précision que je les exécutais plus nettement moi-même, en moi. Par un acte cérébral, je créais un geste, distinctement évolué dans une image bien claire, et ma forme accomplissait ce geste, avec hésitation d'abord, mais bientôt avec une précision parfaite. Ainsi, peu à peu, je l'amenais à étendre les bras, à mouvoir les jambes, à s'agiter, à s'éloigner, à se rapprocher de moi. Souvent encore, j'étais interrompu par la syncope, mais la sentant venir, je faisais agir l'appareil photographique et j'acquérais la preuve que, quand même, ma force m'avait obéi. Il me fallut ensuite lui donner prise sur les objets matériels qui m'entouraient, c'est-à-dire faire d'elle un esclave actif et soumis. Mais les progrès, par moi, réalisés, étaient tels que cette tentative ne me coûta pas grande fatigue. Le procédé était toujours le même. Je créais dans mon cerveau le quadruple mouvement de s'approcher de ma bibliothèque, puis d'étendre le bras vers un livre, de le saisir et de me le rapporter. Si je m'engourdissais avant que l'acte fût totalement accompli, je retrouvais à mon réveil le livre auprès de moi. Enfin, il y a 3 mois, que pour la première fois, je peux me dire que j'avais pleinement réussi. Je n'éprouvais plus aucune sensation pénible, à peine un peu de lassitude, lorsque l'effort se prolongeait trop longtemps. Les syncopes devenaient de plus en plus rares et n'étaient déterminées que par un progrès obtenu. C'est ainsi que je courus risque de la vie dans l'expérience suivante. Cette forme, composée d'atomes si ténus qu'ils n'avaient même pas la consistance des molécules constituantes d'un gaz, devait, selon moi, traverser les corps les plus épais, s'infiltrer en quelque sorte dans leurs pores et se retrouver ensuite dans son intégrité de composition. Pour être fixé, je m'entourais d'une sorte de muraille, en bois épais de 5 cm, puis de l'autre côté, en dehors, là où je ne voyais pas avec mes yeux matériels, je plaçais l'appareil photographique. Je projetais ma forme, et concentrant toute ma volonté sur elle, je m'efforçais de l'obliger à franchir l'obstacle. Non seulement je ne pus y parvenir, mais m'acharnant contre cette résistance, je provoquai une sorte de choc en retour, qui se répercutant sur mon cerveau, me jeta en une sorte de léthargie qui dura plusieurs heures. J'eus un instant de découragement. N'étais-je donc allé si loin que pour me heurter tout à coup à l'impossible? Je méditai longtemps et la logique vint enfin à mon aide. Je créai dans mon cerveau l'acte de passer à travers la planche. Je l'objectivai mentalement. La forme disparut à mes yeux. Je la rappelai par le même procédé et j'eus la joie de constater que les preuves photographiques prouvaient mon succès. Peu à peu, je pus donner à ma forme une physionomie plus nette, presque jusqu'à l'identité parfaite à mon corps matériel. Je la vêtis de mes vêtements, je l'animais de ma pensée et de ma volonté. Seulement il était un fait que je ne pouvais nier, c'est que le lien qui attachait ma force vitale à moi-même devenait plus faible à mesure que je lui donnais plus de netteté. Quand elle pensait, il ne restait plus en moi, pour ainsi dire, que l'écho lointain de la pensée, que l'ombre à peine sensible de la volonté. Que ce lien par lequel je la rappelais à moi se brisa, c'était la mort. Je m'aguerris cependant contre cette angoisse, et aujourd'hui je suis, autant du moins que la certitude humaine peut exister, hors de tout péril. Pourquoi écris-je ces mots alors que ma conviction est contraire? Certes, j'ai pu, en ces derniers temps, disposer de ma forme comme d'un autre moi-même. J'ai pu, restant étendu sur un canapé dans un état d'anémie complète, la projeter hors de mon appartement, hors de ma maison. Je sais, par elle qui a ma pensée jusqu'à ma mémoire, qu'elle a pu parcourir les rues sous mon apparence parfaite, être vue des gens qui me connaissent, qu'elle a répondu au salut qu'on lui adressait. Je sais que du trottoir qui règne sous ma fenêtre, elle s'est élevée jusqu'ici, rentrant dans cette chambre à travers les murailles. Je sais encore que la distance qui me sépare d'elle n'est rien, et que ce n'est point par l'éloignement que le lien vital se pourrait briser. Par quoi donc alors? Me voici seul, ferme, décidé à tenter l'épreuve suprême. Tout à l'heure, je vais m'étendre là, sur mon canapé, et je vais projeter ma forme. Je vais lui ordonner de franchir les continents, les mers, d'aller là-bas, dans l'Inde, de retrouver la trace de Sita, de s'approcher d'elle. Elle m'obéira, je ne redoute rien. Mais au moment où elle fera le dernier pas vers celle que je hais, que j'aime, sais-je alors si la commotion ne sera pas si violente que le lien se rompra, et alors Eh bien, est-ce que j'ai peur? Voici 3 ans que pas une minute, pas une seconde, une seule de mes pensées est tendue à un autre but que celui auquel je touche maintenant. Et j'hésiterai. Non pas. N'ai-je pas l'orgueil profond de mon œuvre? Ne suis-je pas fort contre les forts, puissant entre les puissants? Est-ce que je suis fou? Allons donc! Est-ce qu'un fou a le cerveau si lucide et le pouls si calme? Sita, Sita, en ta paix profonde, c'est toi qui devrais tout craindre, car ma volonté te menace, car ma force, que tu raillais, va s'élancer vers toi avec la rapidité de la foudre. Sita, je t'aime, et je t'ai condamné. Je n'hésite plus. Dresse-toi, lentement, lentement, forme mystérieuse, qui est ma volonté et ma vie. Va, libre des chaînes qui retiennent ici mon corps abject. Va, Linga Sharira. Oh, comme elle prononçait doucement ces mots. Va accomplir l'œuvre maudite et reviens donner à mon corps mortel la joie de la haine assouvie, de l'amour vengé. Te voilà, ma messagère de mort. Salut, absorbe en toi toute ma force. Bois ma vie, bois le fluide de ma poitrine et de mon cerveau. Je ne peux plus écrire. Il faut que je ferme cette enveloppe. Il faut que nul ne connaisse ce secret. Il faut écrire, à brûler. Oh ! On lit dans le Nouvelliste parisien « Depuis plusieurs jours, les locataires et le concierge de la maison, rue, numéro, n'avaient plus vu paraître un original, Louis de S, qui vivait dans une sorte de claustration absolue. On se décida à avertir la police. Le magistrat qui procéda à l'ouverture des portes constata que le malheureux était mort. Le décès semblait remonter à 48 heures. Le cadavre paraissait absolument exsangue et présentait cette particularité qu'il était dans un état de conservation complète. Les médecins ont conclu à une rupture d'anévrisme. On a trouvé, sur une table auprès du cadavre, une enveloppe ouverte, dans laquelle se trouvait un manuscrit écrit d'une main fiévreuse, presque illisible, et qui semble plein de divagations incohérentes. L. de S. s'adonnait, croyons-nous, aux pratiques du magnétisme et avait le cerveau déséquilibré. Comme il jouissait d'une certaine fortune, les scellés ont été posés chez lui. Le corps a été transporté à la morgue. Post-scriptum. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que l'autopsie a infirmé le diagnostic des premiers médecins qui avaient examiné le cadavre de L. de S. Le malheureux se serait suicidé en se perçant le cœur avec une aiguille d'une finesse telle qu'elle n'a laissé à l'intérieur aucune trace de blessure. Fait singulier, quand les employés ont pénétré ce matin dans la salle où le corps avait été déposé, on a trouvé le linceul jonché de feuilles de rose. Nul n'a pu dire qui était venu rendre ce pieux hommage à sa dépouille mortelle. Ainsi s'achève, à brûler, par Jules Lhermina.